Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, et puisqu'on va questionner tout à l'heure les masculinités, là on va parler d'un grand dominateur, vous allez voir. Très bien. Tellement célèbre qu'il est presque devenu avec le temps le symbole ou le synonyme de dinosaures. Son nom est à ce titre totalement programmatique, Tyrannosaurus Rex, le roi absolu des lézards géants, si on pouvait le traduire ainsi. En tout cas, une exposition vient de s'ouvrir au Jardin des Plantes à Paris. Elle va s'ouvrir mercredi. Elle présente pour la première fois un squelette original de T-Rex. Et alors que dans deux jours sort le nouvel épisode de l'interminable franchise Jurassic Park, qui a largement contribué à populariser l'image de ce prédateur absolu, il est grand temps de faire le point de ce que la paléontologie nous a appris sur ce roi des prédateurs et sur les dernières zones d'ombre qui l'entourent encore. T-Rex, l'ex-roi de la jungle, c'est le terrifiant programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir sur les traces de ce terrible prédateur, nos professeurs Grant et Malcolm sont aujourd'hui. Renan, Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, commissaire scientifique de l'exposition Un T-Rex à Paris. Et d'ailleurs, il faudrait plutôt dire Une T-Rex à Paris et la reine des prédatrices, puisque c'est un spécimen femelle que vous exposez. C'est un spécimen femelle et c'est aussi la doyenne des tyrannosaures, puisqu'elle est censée être âgée d'une trentaine d'années. On va en reparler dans un instant. Bonjour Jean Leleuf. Bonjour. Vous êtes paléontologue également, directeur du musée des dinosaures d'Esperanza dans l'Aude et auteur de T-Rex Superstar, l'irrésistible ascension du roi des dinosaures. Voilà effectivement qui introduit la série documentaire, puisque quand on parle d'un super prédateur et forcément au masculin, on va voir que ça n'est pas le cas. Bref, toujours est-il que vous pouvez suivre cette émission sur les ondes de France Culture et en complément comme tous les jours sur notre fil Twitter @lamethode. D'FC. Alors pour commencer, une question finalement assez simple. Comment expliquez-vous l'un et l'autre cette popularité du tyrannosaure? Pourquoi est-ce que c'est vraiment l'incarnation absolue du dinosaure plus que d'autres espèces qui n'en sont pas moins impressionnantes, Renan Alain? Trois mots, gigantesque, carnivore et disparu. Je pense que si on peut résumer, c'est à peu près ça. Je pense que les dinosaures fascinent depuis l'origine. L'étymologie même du mot nous ramène à la grandeur de ces animaux-là. Donc le tyrannosaure, dans sa catégorie, celle des dinosaures carnivores, est sur le podium. Carnivore, voilà, il fait peur. On a eu déjà quelques petites visites d'enfants sur l'exposition qui sont retrouvés nés avec Trix. Trix, c'est le nom de ce spécimen que vous exposez. C'est le nom de la femelle qui va être exposée au muséum à partir de demain. Et effectivement, elle fait peur aux plus petits. Elle est quand même assez terrifiante. Et puis après, disparue, il faut pas oublier que ces grands dinosaures qui ont l'air invincibles, qui sont restés sur Terre pendant près de 160 millions d'années, et ben finalement ils ont fini par disparaître. Géant au pied d'argile, ce mythe fondateur. C'est ce côté peut-être un peu dinosaure superlatif du tyrannosaure, Jean Leleuf. Enfin, le plus grand prédateur, la plus grande mâchoire. Il y a quelques côtés où on en rajoute dans les superlatifs, non? Oui, c'est ça. Depuis le début, en fait, Tyrannosaurus, le nom Tyrannosaurus a été créé par le paléontologue Osborne en 1905. Comme volonté de l'auteur de créer cet effet de puissance et de terreur, si l'on veut. Donc Tyrannosaurus, depuis 1905, c'est le plus gros prédateur terrestre, en fait. Et pour l'instant, il n'a pas été détrôné, ou en tout cas, il a peut-être été égalé, mais par des animaux dont le nom était certainement moins bien inspiré que celui du T-Rex. Et il y a peut-être aussi, vous l'expliquez assez bien d'ailleurs, un côté américano-centré, parce que le T-Rex, c'est le dinosaure des Américains. Oui, il est déjà géographiquement américain, Tyrannosaurus. On a trouvé ses restes uniquement au nord-ouest des États-Unis, donc c'est un animal qui vivait vraiment dans une zone précise des États-Unis et qui a commencé à connaître la gloire au-delà des cercles scientifiques grâce aux auteurs américains. C'est Edgar Rice Burroughs, qui le papa de Tarzan, qui est le premier a mis T-Rex dans des fictions. Et aux États-Unis, dès la Première Guerre mondiale, c'est une star. Et puis ensuite, il va y avoir évidemment Michael Crichton et Steven Spielberg qui adaptent son roman Jurassic Park en 1993, hein, qui aura essayé dans les suites de remplacer le tyrannosaure par d'autres espèces plus grandes, plus monstrueuses, mais on en revient toujours aux fondamentaux. Ce tyrannosaure, alors on va pas traîner plus longtemps, on va filer en avant-première au Jardin des Plantes, au Muséum d'Histoire Naturelle, pour découvrir ce magnifique spécimen, un squelette original, l'un des plus complets jamais découverts. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé faire un bisou à Trix. Un bisou, ouais, de loin, parce que faut voir la taille de la bête. Et c'est Bruno David, président du MNHN, qui m'a présenté Trix. Enfin, son squelette qui nous vient du Montana. Et c'est le tout premier squelette quasi complet qui arrive en France. Le spécimen de T-Rex fait 12,5 mètres de long et devait peser environ 8 tonnes de son vivant. Et ce qui est exceptionnel en dehors de sa taille, c'est la qualité des ossements. Les trois quarts du squelette sont dans un très très bon état de conservation, notamment le crâne, qui porte avec lui des indices très précieux pour les paléontologues, notamment des morsures ou bien des traces d'arthrose. Alors là, on est vraiment devant Trix qui nous vient du Montana. La scénographie est en cours de montage. La scénographie du reste de l'exposition est en cours de montage. Maintenant, Trix est monté. Ce qu'on peut dire, la première chose que je dis d'abord, c'est un original. Les tyrannosaures dans cet état-là, il y en a trois au monde. Hein. Donc, on en a trouvé trois ou quatre depuis 150 ans. Et là, c'est une œuvre majeure de la nature. Il y en a trois au monde, des comme ça. C'est un original. On a un crâne qui est absolument non déformé, qui est quasiment complet. On a un squelette complet à 75%, ce qui est absolument exceptionnel pour un animal de cette taille. C'est absolument formidable. C'est une bête qui fait 12,50 m de long, 8 tonnes quand elle était vivante, 8 tonnes, c'est énorme. La queue, là, est à plus de 5 mètres de hauteur. Elle est montée dans une attitude d'attaque où elle est bondissante en plus. Je dis elle parce qu'on sait que c'est une femelle, avec le crâne qui n'est pas tout à fait dans l'axe, qui est légèrement tourné vers le visiteur. Et si on se met face au crâne et qu'on est un petit peu attentif, qu'on sait où étaient les yeux, là, juste sous les bourrelets au sommet du crâne, on a l'impression qu'elle nous regarde. C'est très impressionnant. Et c'est le plus grand carnivore qui ait jamais peuplé les surfaces terrestres depuis toujours. Alors, on parlait du crâne, justement, il est assez impressionnant, plus d'un mètre en longueur. Et on peut remarquer aussi des perforations sur l'autre côté du crâne, sur un côté de la mandibule, on voit des perforations qui sont dues à des dents d'un autre tyrannosaure qui est venu la mordre. Et elle a cicatrisé, donc elle s'en est tirée. Hein. C'est pas ça du tout qui l'a tuée, mais ça veut dire qu'elle a eu une vie compliquée. Elle a des traces également de nécrose sur l'avant du museau, où elle a eu une maladie osseuse. Elle a d'autres traces un petit peu sur certaines vertèbres ou sur certaines côtes. En fait, je vais caricaturer, mais elle avait un peu d'arthrose, quoi, en gros. Ce qui nous montre qu'elle a vécu quand même assez longtemps. Alors, la durée de vie moyenne d'un Tyrannosaurus rex, c'est une trentaine d'années maximum. À 30 ans, c'est déjà un vieil animal, parce que ça se voit au niveau des bourrelets qui sont au-dessus des yeux, qu'on appelle les bourrelets susorbitaires, où ils sont assez épais. Il y a de l'os qui se développe à ce moment-là et qui se développe de plus en plus au fil de la vie de l'animal. Et là, ces bourrelets sont quand même très développés, ce qui veut dire que c'était un animal qui était déjà assez âgé. Et 30 ans pour un tyrannosaure, on considère que c'était déjà une vieille dame tyrannosaure. Vous parliez de maladie, c'est-à-dire qu'avec les techniques d'aujourd'hui, on arrive à déterminer par l'analyse osseuse certaines infections, maladies. On arrive à déterminer effectivement qu'elle a eu certains problèmes dans sa vie, comme sa nécrose osseuse ou son attaque par un autre T-Rex. Et puis, vieillissant, elle est comme les mammifères, donc comme nous, elle a des petites misères. Mais elle n'était pas en très très bonne santé, quand elle est morte en tout cas. Est-ce que par ce choix de montage, on veut aussi répondre à un débat sur le fait que T-Rex était possiblement charognard ou bien chasseur, les deux ? Dans la suite de l'exposition, on verra Trix attaquer un hadrosaure. L'hadrosaure, c'était... on avait d'abord cet hadrosaure dans nos collections depuis 1911. J'aime bien dire, l'hadrosaure, c'était le beefsteak du T-Rex, en fait. Sauf que c'est un beefsteak qui faisait 10 mètres de long. Donc c'était quand même un chasseur. C'était un chasseur, mais c'était sans doute aussi des bêtes qui étaient opportunistes. C'est-à-dire, si elle trouvait une carcasse d'un animal mort, elle n'allait pas se priver de le manger. Et d'ailleurs, on peut imaginer, si on essaye de faire de la paléofiction, que l'attaque par l'autre tyrannosaure, c'était peut-être une lutte aussi pour accéder à de la nourriture. Il y en a un des deux qui avait trouvé ou qui avait tué un autre animal. Et le second est venu lui disputer cette source de nourriture. Ils se sont battus et Trix a été mordu. Comment se passe le montage d'un squelette aussi impressionnant que celui-là en termes de dimension ? Alors c'est un montage compliqué parce que c'est un squelette, il faut avoir quand même en tête, c'est très très lourd. Le crâne, rien que le crâne lui-même comme ça, il doit faire une centaine de kilos. L'équipe de Leiden a réussi une prouesse technique parce qu'ils ont réussi à faire un montage métallique, une architecture métallique qui vient soutenir l'animal. et qui est presque invisible. Et de plus, Trix est montée dans une attitude flexible où elle est, ça la rend extraordinairement vivante. Elle n'est pas du tout statique, elle est pas, c'est pas un montage très statique comme on les faisait autrefois où le dinosaure était campé sur ses deux pattes arrière et puis dressé. Là, on a vraiment un animal en train de bondir avec la colonne vertébrale qui est fléchie dans plusieurs directions. La tête vers le bas prêt à mordre. La tête vers le bas prête à mordre et surtout, vous voyez bien, la tête n'est pas totalement dans l'axe du corps. Si on suit la ligne de la colonne vertébrale, la ligne des vertèbres, on voit bien que les vertèbres sont, le dos est ployé. Vous voyez les deux bosses au sommet de la tête, là. Vous imaginez les deux yeux dans les trous qui sont dessous. On voit les orbites, là. Hein. Et si vous avez un tout petit peu d'imagination, vous voyez qu'elle nous regarde. Et l'imagination vient vite, en fait. L'imagination vient très vite parce qu'on le voit vraiment, quoi. On a le regard de l'animal fixé sur nous, la gueule ouverte. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est la mâchoire en termes de pression. Oui, en termes de pression, en termes de capacité de morsure, c'est une tête absolument énorme qui fait plus d'un mètre vingt. Un crâne qui était très lourd. Et puis, il y a d'autres cavités, bien sûr. Il y a les endroits où il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a les narines. On voit très bien les narines devant. Et puis, ces dents redoutables, 80 dents à peu près, absolument redoutables. Chaque dent est un poignard, donc avec une puissance musculaire exceptionnelle. Je trouve que là, ce point de vue est extraordinairement impressionnant. Pour moi, c'est le meilleur point de vue sur l'animal. Parce qu'on voit bien qu'elle a déjà une patte arrière soulevée, qu'elle est en mouvement, la tête baissée à notre hauteur et le regard fixé sur nous. Et la gueule déjà ouverte, prête à nous mordre. Et la proie, si on est devant, on a l'impression un peu que c'est nous. Voilà, en avant-première, une visite virtuelle de cette exposition, un T-Rex à Paris et de ce superbe squelette fossile, hein, original, il faut le rappeler, Ronan Alain, puisque donc l'exposition ouvre mercredi après-demain. C'est la première fois qu'on peut présenter comme ça un spécimen original complet à quasiment 75%. Oui, c'est surtout la première fois qu'un spécimen, on va dire, avec cette complétude quitte le territoire nord-américain, puisque tous les autres grands squelettes complets sont tous aux États-Unis. Donc là, c'était vraiment une commande du naturaliste qui veut en faire la pièce phare de son futur musée. Alors comme ce musée est en construction, le Trix ne pouvait pas être remonté tout de suite aux Pays-Bas. Alors elle a été remontée, elle a été redémontée, et puis là, elle fait un petit tour d'Europe avant de prendre ses quartiers définitifs à Leiden. Est-ce que vous l'avez vu, Jean Leleuf ? Oui, je viens de la voir cet après-midi. Bon, elle était encore un peu dans le plâtre, dans les cartons, mais j'ai vu l'expo. Mais le squelette est monté. Hein. Le squelette est monté, tout à fait. Et alors ? Magnifique, c'est un très beau, très très beau spécimen, oui, il n'y a pas de doute. Dans une position très particulière, puisqu'on a l'habitude plutôt de rencontrer un T-Rex en levant la tête pour apercevoir son crâne, alors que là, le crâne est à hauteur du visiteur, ce qui est assez, assez original. Mais c'est un très beau squelette, très complet, avec des éléments squelettiques qui souvent ne sont pas présents sur les nombreux moulages qu'on peut voir à droite et à gauche, notamment une partie des côtes ventrales de l'animal. C'est des choses qu'en général, on se dispense de les installer. Donc, c'est un très, très beau spécimen, oui. Un mot peut-être, on l'entend pas parce qu'il a fallu faire des choix évidemment dans le reportage, mais remonter un squelette de cette taille, de cette envergure-là, c'est un jeu de mécano d'assemblage complètement dingue, Renaud Alain. C'est assez dingue et... Alors en fait, ça n'a pas pris autant de temps que ça, aussi surprenant que ça puisse paraître. Alors après, il y avait des gros moyens derrière, mais Trix a été découverte en mai 2013 à peu près. Et en fait, je crois qu'elle est arrivée aux Pays-Bas en 2016. Donc il a fallu moins de 3 ans pour préparer entièrement le squelette. Donc déjà ça, on sait très bien que quand on est paléontologue, la préparation d'un squelette demande pas mal de temps. Ceci étant, j'ai vu les images, je connais pas du tout le Montana, hein, je connais pas la Elk Creek Formation, la formation géologique dont proviennent les T-Rex, mais j'ai vu les collègues travailler, ça a l'air d'être des grès qui sont relativement meubles, donc ça se travaille plutôt pas mal. Et après, on a juste une petite croûte superficielle à enlever sur les os. Mais bon, ça réclame déjà pas mal d'heures de travail, de semaines de travail. Alors après, ce que j'aimerais bien savoir, j'ai pas demandé aux collègues combien de temps ils ont mis pour préparer le podium et la structure, surtout l'armature qui soutient Trix, qui est quand même un travail assez remarquable. Je pense que c'est ça qui a peut-être pris le plus de temps. J'imagine qu'ils ont travaillé sur les deux en même temps. Donc oui, c'est quand même un travail de longue haleine, mais 3 ans, finalement, on est plutôt habitué pour ce genre de spécimen à mettre 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et je ne vous cache pas qu'on a des spécimens, ça fait plus d'un siècle qu'ils attendent d'être remontés. Un mot sur le travail de montage. J'imagine, Jean Leleuf, que vous avez vu d'autres spécimens, que vous êtes allé aux États-Unis les voir. On entendait au début de ce reportage qu'il y en a 3 qui sont complets à ce point-là. Bon, il y en a sûrement un petit peu plus de 3. Après, est-ce qu'ils sont complets à 60, 80, 70%, ça, on peut toujours en discuter. La plupart du temps, comme quasiment tout le temps, ce qu'on voit, c'est des moulages de squelettes. Pratiquement le seul endroit aux États-Unis où il y a des squelettes originaux, c'est l'American Museum de New York, où il y a effectivement un squelette de T-Rex original. Dans l'entrée, c'est spectaculaire pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. Et celui de Chicago aussi, effectivement. Qui est d'ailleurs, dans mes souvenirs, qui est debout, qui est dressé dans le T-Rex dans l'entrée de l'American Museum, non ? Non. Non, ils l'ont entièrement remonté, en fait. C'est-à-dire que... Quand T-Rex a été découvert et qu'il a été monté pour la première fois donc à New York pendant la Première Guerre mondiale, Osborne l'a fait monter avec l'attitude dont on pensait qu'elle était celle des dinosaures à l'époque, c'est-à-dire le buste presque vertical, reposant sur ses pattes de derrière et la queue traînant par terre. Et cette vision des dinosaures a perduré pendant presque un siècle. Et lorsque les collègues de l'American Museum ont refait leur expo dans le début des années 90, c'était en 92, ils ont démonté leur vieil assemblage du début du siècle et ils l'ont remis dans la position dont on pense maintenant qu'elle était la position correcte du tyrannosaure, c'est-à-dire avec la colonne vertébrale subhorizontale. C'est ce que vous montrez d'ailleurs, le buste est redressé, la queue traînante vue par Osborne en 1917 dans votre livre T-Rex Superstar. On va parler un peu plus et on va essayer de faire un peu mieux connaissance avec ce T-Rex qu'on a l'impression de connaître tellement et qui, vous allez le voir, nous échappe encore à plein d'égards. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà ce grognement féroce que vous entendez. C'est évidemment un extrait des films de la franchise Jurassic Park, initié en 93 par Steven Spielberg et dont le prochain opus sort mercredi en salle sous la caméra, cette fois-ci de Juan Antonio Bayona. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Ronan Alain qui est paléontologue et commissaire scientifique de l'exposition Un T-Rex à Paris au Muséum National d'Histoire Naturelle et Jean Leleuf, paléontologue également auteur de T-Rex Superstar aux éditions Belin. Reprenons donc l'histoire de ce tyrannosaure. Depuis le début, à quel moment de l'histoire géologique apparaît-il? Quelle est l'époque à laquelle il vit, Ronan Alain? Alors, Tyrannosaurus rex, donc l'espèce Tyrannosaurus rex, est connue grosso modo, on va dire, 68-67 millions d'années. Donc, c'est vraiment la toute fin du Mésozoïque, quasiment la fin des grands dinosaures, pas la fin des dinosaures, puisque les oiseaux sont toujours parmi nous. C'est dit. Oui, on a fait une émission complète. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Fait une émission Il fallait le faire. Voilà, c'est fait. Donc voilà, on est vraiment à la fin. On est un million d'années, 2 millions d'années avant la chute de la météorite. On est dans des paysages qui ont complètement changé par rapport au Jurassique. On est dans des paysages qui sont désormais dominés par les plantes à fleurs. On est au Crétacé. Crétacé, donc fin du Crétacé. Et effectivement, les plantes à fleurs ont complètement pris le pas sur les conifères qui dominaient avant. Donc on a près de 70-75%, je pense, des plantes qui ont été trouvées dans cette formation géologique de la Hell Creek, qui sont des plantes à fleurs. Donc on a déjà des choses qui ressemblent aux noisetiers, aux peupliers, aux ficus, aux lauriers, toutes ces choses-là. La Hell Creek, c'est l'endroit dans le Montana qui a révélé plusieurs squelettes complets, dont celui de Trix, de Tyrannosaure. Elle a révélé tous les squelettes. Tous les squelettes viennent de cette seule formation. Ce qui montre bien que, en fait, Tyrannosaurus rex, dans l'histoire de la paléontologie, dans l'histoire des dinosaures, est vraiment un épiphénomène qui apparaît à un endroit précis du globe, à une époque donnée. Après, l'histoire du groupe des tyrannosaures, elle est beaucoup plus complexe et remonte à peu près 165 millions d'années. Alors justement, peut-être pour compléter, effectivement, comme ce que vient de dire Ronan Alain, à cette époque, sur la fin du Crétacé, la Terre n'est pas géographiquement la même qu'elle l'est aujourd'hui, notamment l'Amérique du Nord n'a pas du tout la géographie actuelle. Non, les continents n'ont pas exactement leur position actuelle. Bon, c'est plus la Pangée déjà depuis des dizaines de millions d'années. Il y a déjà l'océan Atlantique qui est assez largement ouvert. Par contre, le niveau des mers varie beaucoup et à la fin du Crétacé, il est plutôt très haut et l'Amérique du Nord est en fait séparée en deux zones continentales par une mer peu profonde qui recouvre tout le centre de l'Amérique du Nord. Et on va trouver en fait Tyrannosaurus sur l'île ouest américaine, donc à l'ouest de cette mer. est uniquement là. Ce qui correspond à la Californie, à l'ouest, à un large bassin qui remonte jusqu'au nord du Canada, c'est ça ? C'est ça, oui, ce serait actuellement Montana, Dakota, Wyoming et Alberta, Saskatchewan au Canada, oui. On parle, il faut peut-être effectivement, vous venez de le faire, distinguer, on parle de Tyrannosaurus rex, qui est une espèce qui est évidemment plus large. Comment est-ce qu'on le situe dans l'arbre phylogénétique des théropodes ? Peut-être qu'on va pas remonter jusqu'aux théropodes, mais en tout cas, on connaît la famille de ce dinosaure géant ? Il fait partie de la famille des Tyrannosauridés, qui regroupe en fait ses plus proches cousins, qui sont la plupart d'entre eux nord-américains aussi, avec quelques formes également qui viennent de Mongolie. En fait, le plus proche parent d'ailleurs de Tyrannosaurus rex, il s'appelle Tarbosaurus et il vivait en Mongolie quelques millions d'années avant. On l'a appelé Tyrannosaure d'ailleurs au départ. Hein. Il a changé de nom. Il a changé de nom plusieurs fois. Mmh. Certains chercheurs ont considéré qu'il était suffisamment proche d'un Tyrannosaurus pour être simplement une espèce différente. Actuellement, la plupart des gens considèrent que c'est deux genres différents, mais certainement très proches. Donc qui témoignent de passages, en fait, possible entre l'Amérique du Nord et l'Asie, via la région de Bering probablement, à l'extrême fin du Crétacé. Il y a justement un de nos auditeurs qui demande si on peut voir ce Tarbosaurus, cette espèce, quelque part. Est-ce qu'elle est mentionnée dans l'exposition Intirex à Paris, Renaud-Alain ? On mentionne les faunes de Mongolie dans l'exposition, mais pas via le Tarbosaurus, via un autre animal qui est commun aux deux faunes, qui est le Protoceratops. Enfin, il est commun, le cousin du Triceratops, on va dire. Par contre, on peut voir un squelette de Tarbosaurus dans la galerie de paléontologie, qui est un vieux squelette qui avait été retrouvé par les expéditions russo-mongoles de cette époque-là. Donc, on a ce spécimen-là, effectivement, quand on regarde de près, il y a une différence de taille assez importante, je pense, entre le Tarbosaure et les... Qui est plus petit. Et le Tyrannosaure. Hein. Oui, il est un petit peu plus petit. Après, c'est quand même des animaux d'une taille, de taille assez exceptionnelle. Poursuivons. Peut-être un mot pour dire quel est le plus... Vous avez dit, Renaud-Alain, que ces fossiles de Tyrannosaure, ils sont retrouvés tous au même endroit. Quel est le plus ancien, en fait ? On est sur une échelle temporelle relativement petite à l'échelle de la paléontologie, c'est-à-dire on est sur une paire de millions d'années, en fait. On est sur une paire de millions d'années et je ne suis pas persuadé qu'à l'heure actuelle, on soit capable... Parce que l'Hell Creek, en fait, affleure à différents endroits, donc de ces 6-16 états nord-américains dont on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'avec peut-être la palynologie, donc l'étude des pollens et des plantes, on doit pouvoir avoir des niveaux stratigraphiques. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à les remettre dans un ordre chronologique. À ma connaissance, ça n'a pas été fait. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment rester sur cette idée pour une fois qu'on a une espèce qui est à peu près bien définie dans un temps court en paléontologie, de temps en temps, vous avez des espèces de dinosaures qui vivent 30 millions d'années, ce qui semble à peu près inconcevable pour tout le monde. Là, vous avez quelque chose, le T-Rex, c'est à peu près bien daté, 67-68. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Je pense pas actuellement. On connaît bien ses ascendants phylogénétiques, Jean Leleuf. Les questions toujours très difficiles en paléontologie, évidemment, parce que c'est disons toujours que, difficile. Disons qu'on a la famille des tyrannosauridés, on va dire que c'est les cousins. Il y a le plus grand groupe qu'on appelle les tyrannosauroïdes, qui regroupe là les grands-oncles et les grandes-tantes. Là-dedans, il y a probablement les ancêtres du T-Rex et la plupart de ces animaux sont asiatiques. Donc c'est des animaux parfois déjà assez grands qui vivaient notamment en Chine au début du Crétacé, donc autour de 130-140 millions d'années, qui ont des caractéristiques déjà qu'on va retrouver chez les tyrannosauridés, donc qui peuvent faire office de possibles... ancêtres, précurseurs. Mmh. Ça veut dire que la phylogénie va plutôt dans le sens du gigantisme, de l'augmentation en taille, de l'augmentation en puissance. Oui, dans ce groupe-là, oui. Mmh. La forme la plus grosse, c'est la plus récente, c'est 67 millions d'années. Et c'est de loin la plus grosse de tous, et c'est T-Rex. Ouais, ouais. Un mot aussi sur la découverte de T-Rex, elle est assez récente. Alors il y a quelques éléments épars, on trouve une dent, quelques vertèbres, mais les premiers fossiles relativement complets, on est au tout début du XXe siècle, Renaud-Alain. Oui, c'est assez étonnant parce que les premiers, on va dire, un peu complets, ils ne sont pas restés aux États-Unis. En fait, on dit qu'ils seront retrouvés au Natural History Museum à Londres, mais à l'époque, ils n'ont pas été compris comme étant du Tyrannosaurus rex, donc ils ont été vendus par les Américains, ils se sont retrouvés à Londres. On s'est rendu compte plus tard que Dinamosaurus et autres étaient des tyrannosaures. Et puis après, le squelette type, donc ce qui sert de référence à tous les paléontologues de la planète, a été trouvé par l'American Museum. Alors peut-être que Jean aura des éléments que moi j'ai pas. Il se trouve qu'il a été vendu. Il a été vendu pour l'American Museum. Alors officiellement, la petite histoire, mais on a beaucoup de petites histoires dont on sait qu'elles sont pas vraies. La petite histoire, c'était pour protéger, parce que tous les tyrannosaures se trouvent à l'American Museum. On est dans les années 40. Alors pour protéger tous les tyrannosaures américains, il faut pas qu'ils soient dans le même musée. Et donc, il aurait été vendu au Carnegie. Au Peabody. Au Carnegie Museum à Pittsburgh. Et donc le Carnegie Museum à Pittsburgh a reçu l'holotype, ce qui est quand même pas rien, de Tyrannosaurus Rex, alors qu'il était propriété de l'American Museum. Alors, est-ce qu'on échange de quelques milliers de dollars? Alors, voilà. Donc, évidemment, il y a quelques milliers de dollars. Donc, est-ce que c'était juste pour sauver le T-Rex ou c'était juste parce que les caisses de l'American Museum étaient vides? Et que peut-être à l'époque, Barnum Brown, qui était le patron à l'époque d'ailleurs de la paléontologie des vertébrés à l'American Museum. C'est un grand chasseur de dinosaures, qu'on appelait. Un immense chercheur de dinosaures et le découvreur du tyrannosaure. Que Barnum avait peut-être besoin d'un peu d'argent pour ses dernières campagnes de fouilles avec American Museum. Il y a deux noms de paléontologues qui sont liés au T-Rex, Barnum Brown effectivement, et Henry Osborne, que vous évoquiez tout à l'heure, Jean Leleuf, qui est le premier à avoir pensé le tyrannosaure dans sa complexité, dans sa position. Voilà, Osborne, c'était en fait le directeur tout-puissant et mégalomane de l'American Museum et le patron de Barnum Brown. Barnum était l'homme de terrain. Qui a eu une vie extraordinaire, qui a passé 60 années sur le terrain, 6 à 10 mois par an, à trouver la plus grande quantité de squelettes de dinosaures jamais accumulés par un seul homme, entre autres choses, parce qu'il faisait plein d'autres choses que je suis pas censé dévoiler ici. C'est-à-dire, il était considéré, il y a une biographie de lui qui est sortie par des paléontologues du début du XXIe siècle, donc ça a beaucoup changé le monde de la paléontologie depuis Barnum. Et il est décrit comme un grand buveur, un grand fumeur et un grand dragueur aussi, donc c'était un personnage pas du tout lisse apparemment, et qui surprend un peu dans ces temps où les choses deviennent peut-être un peu plus lisse parfois. Donc bref, je m'égare, mais c'est Barnum qui a découvert le squelette, les premiers squelettes de T-Rex, à l'instigation d'Osborne, qui voulait absolument qu'il découvre un très gros prédateur. Parce qu'Osborne cherchait, pour la renommée de son musée et puis sa propre gloire, à trouver des nouveaux dinosaures, et notamment ce qui paraissait le plus intéressant pour un vaste public, c'est-à-dire des dinosaures carnivores qui feraient très peur. Et Barnum avait vraiment pour mission de découvrir, dans la première décennie du XXe siècle, des restes de ce gros carnivore un peu mythique, auquel ils avaient donné un nom de code pendant qu'ils le cherchaient. Qui était... Et il est... Bonne question, comment est-ce qu'il l'appelait? Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il l'a trouvé, c'est-à-dire qu'il est tombé d'abord sur des morceaux de crâne, puis sur un squelette presque entier, avec un crâne entier, celui qui est à l'American Museum. Tout ça en quelques années de terrain, c'était quand même un type qui avait un sens du terrain assez fascinant, Barnum. Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est qu'il y a finalement une commande d'image avant même d'avoir une commande de résultat. C'est-à-dire que la légende du tyrannosaure commence même avant sa découverte, en quelque sorte. Exactement, il est quand même vraiment un peu à part de ses collègues dinosaures. Il est effectivement recherché pour en faire une légende et l'attraction principale du grand musée de New York. À l'époque où il y a une querelle, une guerre d'influence entre tous les grands musées de la côte Est, qui sont des musées qui ont été créés par des milliardaires plus ou moins philanthropes à l'époque, et qui se battent notamment sur le terrain de la paléontologie. Et quand Osborne va envoyer ses équipes sur le terrain, et notamment Barnum qui va ramener des dizaines de squelettes, l'American Museum va prendre une avance considérable sur ses concurrents. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Yeah. Et la voix de Marc Bolan, Children of the Revolution, du groupe T-Rex, forcément, puisque nous parlons du tyrannosaure tout au long de cette heure, en compagnie de Ronan Alain, paléontologue et commissaire scientifique de l'exposition Un T-Rex à Paris, qui va ouvrir après-demain, mercredi, donc au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Jean Leleuf, paléontologue et auteur de T-Rex Superstar, l'irrésistible ascension du roi des dinosaures aux éditions Belin. On va parler un peu de ce que ces ossements et ces découvertes nous ont appris sur cet animal, sur ce super prédateur. On pensait, on l'a dit tout à l'heure, l'une des premières choses qui est inférée, c'est que, vu l'immensité de la queue du T-Rex, qui est vraiment très très très importante, on pense au début que le T-Rex est bipède vertical. Or, il va falloir attendre les années 70 avant de comprendre que c'est structurellement impossible. Ronan Alain. Oui, old school, on va dire, de la paléontologie. Tous les dinosaures bipèdes, jusque dans les années 70, ont tous une position de kangourou. C'est vrai pour le T-Rex, c'est vrai pour les iguanodons, c'est vrai pour les dinosaures à bec de canard. Et puis c'est la nouvelle génération de paléontologues des années 60 et 70 qui va remettre un petit peu de science dans tout ça. Et puis en fait, on se rend compte quand on voit Trix, quand on voit Trix, qui est le nom du squelette féminin, rappelons-le. Quand on voit ces squelettes-là et qu'en fait on les monte et on se rend compte que non, finalement, quand on les met avec la colonne vertébrale complètement horizontale, ils sont nettement mieux balancés. Le poids de gravité se trouve où il faut. Et on imagine mal un dinosaure se tenant verticalement aujourd'hui avec une queue qui traînerait par terre tout le temps. On voit pas du tout comment il pourrait utiliser ses pattes. Alors, il se réfléchit tout le temps. Alors, essayez de marcher avec les genoux pliés, vous verrez, c'est très très désagréable. Faut savoir qu'ils sont digitigrades et pas plantigrades, hein, c'est-à-dire qu'ils marchent sur. Voilà, ils sont digitigrades. Les métatarsiens ne touchent pas le sol, ou du moins très très peu. Donc voilà, finalement, aujourd'hui, quand on voit ces reconstructions, ça semble complètement logique. Mais il a fallu près d'un siècle pour complètement changer le paradigme et puis avoir ces dinosaures très dynamiques en fait. Alors qu'on avait, pourtant la solution pour prouver que c'était pas vrai, c'était la présence de pas mal de sites à empreintes de pas de dinosaures carnivores, où on ne trouve évidemment pas le sillon qu'aurait dû laisser cette queue entre les traces de pas. Donc on avait la preuve, mais bon, on n'a pas fait le lien. Ces sites à empreintes de pas, on les découvre rapidement, on en a beaucoup ou suffisamment pour le tyrannosaure, on en a un petit nombre, on a quelques-uns dans le Montana. Pour le tyrannosaure lui-même, il y a peut-être une empreinte connue. Pour les tyrannosauridés, les gros carnivores de la fin du Crétacé, en Amérique du Nord, il y en a 10 ou 15. Donc, c'est 10 ou 15 empreintes. Oui, bien sûr. Pas 10 ou 15 sites. Il y a un site en Colombie-Britannique et un au Colorado, je crois, et c'est tout. Qu'est-ce qui indique, lorsque l'on découvre ces squelettes et ces crânes impressionnants, que l'on est face bien à des super prédateurs et pas, pourquoi pas, simplement à des charognards? Est-ce que c'est bien tranché, cette question, Jean Leleuf? Alors ça a été un long débat depuis 1917 pratiquement. Il y a plusieurs tyrannosauridés qui ont été décrits à cette période. Donc en gros, il y avait Osborne d'un côté qui pensait que son Tyrannosaurus, au nom si bien trouvé, était un terrible prédateur. Alors qu'un autre paléontologue de l'époque, Lambeau, qui avait décrit d'autres tyrannosauridés du Canada, lui le voyait plutôt comme un charognard. Donc il y a eu ces deux, avec comme concept, hein, qu'il était beaucoup trop lourd pour pouvoir chasser, et que donc il devait se contenter de renifler et de bouffer les cadavres. Évidemment, le problème, c'est que là, on commence à nous demander des indications sur le comportement alimentaire d'un animal qui a disparu il y a 66 millions d'années. Donc ça commence à devenir délicat d'y répondre d'une manière scientifique. On peut donner dans la spéculation totale, moi je pense que, mais ça ne m'apportera pas grand-chose. Il n'y a aucune trace, il n'y a aucune chose que l'on peut inférer à partir d'indices morphologiques où j'ai cru lire qu'on avait retrouvé, alors ça, je parle sous votre contrôle, une crotte de T-Rex qu'on avait pu analyser. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Oui, on a un coprolite très gros, plein de... Un coprolite, donc c'est une crotte fossile. Un très gros coprolite rempli de petits fragments d'os, de jeunes hadrosaures et de jeunes ceratopsiens qu'on attribue à Tyrannosaurus. Hadrosaures, c'est ce que vous avez mis en scène au musée. Avec des canards. Voilà, les canards et ceratopsiens, c'est souvent les triceratops. Alors celui-là, il prouve quoi? Que le tyrannosaure était carnivore, mais nul ne l'imaginait mangeant des salades avec des dents comme les siennes. Donc ça, on le savait déjà. Par contre, ça ne prouve pas qu'il tuait ses proies. Ça prouve qu'il réduisait les os en petits fragments avant de les excréter. Par contre, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, ont été trouvés quelques fossiles très particuliers au Dakota. Ce sont des restes de notamment deux vertèbres de la queue d'un autre de ces dinosaures hadrosaures qui étaient régulièrement la proie des T-Rex. Le menu favori. Ils étaient au menu favori, je pense, oui. Et on a donc deux vertèbres qui sont soudées par un gros cale osseux. Et au milieu de ce cale osseux, il y a la pointe d'une dent de tyrannosaure. Donc en fait, c'est un hadrosaure qui a été attaqué par un tyrannosaure qui lui a mordu la queue, qui a cassé une dent contre l'os. Mais l'hadrosaure a survécu puisqu'il y a eu une croissance d'os autour de l'infection épouvantable qu'il devait avoir. Et c'est le seul élément de preuve absolue que l'on a que T-Rex était forcément aussi chasseur. Peut-être il faut redire aussi, parce que je me rends compte qu'on n'en a pas parlé depuis le début, refaire un petit portrait type ou une sorte de carte d'identité. Est-ce qu'on parle du poids de T-Rex aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît exactement son poids? Alors on a ses mensurations, on a sa taille, mais est-ce qu'on connaît son poids? Et puis ça va être intéressant parce que ça va permettre éventuellement d'inférer également ses modes de déplacement. Alors, un autre lièvre, si on peut parler comme ça, un autre hadrosaure. Ouais. Rien de plus compliqué que de retrouver le poids d'un dinosaure. Je pense que c'est les choses les plus controversées à l'heure actuelle. On est des fois sur des facteurs qui vont du simple au double. Donc pour le tyrannosaure, je pense que pour Trix, on peut monter pour 9 tonnes pour certains et on peut descendre à 5 tonnes pour d'autres. Alors pourquoi c'est compliqué? Déjà, il n'y a pas d'équivalent dans la nature actuelle. On ne sait pas combien pèse un centimètre cube de dinosaure. Plus un centimètre cube de dinosaure, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un centimètre cube de carnivore, un centimètre cube de stégosaure. Donc ça va changer d'un dinosaure à l'autre. On sait que l'une des contraintes du Tyrannosaurus rex pour atteindre des tailles aussi importantes, donc la taille, ça, on ne l'infère pas, on la mesure. On la constate, oui. On sait que les contraintes de poids sont énormes et que on a au cours de l'évolution, on a une recherche continue de l'allègement du squelette. Donc l'allègement du squelette, il va se faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la pneumatisation des os, c'est-à-dire que les os vont être le plus légers possible, vont s'aérer, on va avoir tout un système de sacs pneumatiques, donc de sacs qui contiennent un petit peu d'air, qui vont alléger ce squelette. Quand vous regardez le crâne de Trix et de tous les tyrannosaures, même les tarbosaures, vous allez voir que ce crâne est gigantesque par rapport au reste du crâne, mais il est gigantesque, mais en même temps, il est très très aéré. Les fosses antéorbitaires, toutes les fosses qui composent ce crâne sont très largement ouvertes, et donc le crâne ne devait pas être si lourd que ça. On augmente la surface crânienne parce qu'on a besoin d'avoir des muscles qui vont faire fonctionner ces grosses mâchoires, mais au fur et à mesure que cette surface augmente, le poids du crâne, lui, on essaye de le minimiser le plus possible. Donc voilà, donc ce qui fait que quand on nous demande combien pèse un dinosaure, on peut appliquer des modèles mathématiques basés sur des animaux actuels, sauf que c'est des animaux qui sont pas pneumatisés. Et donc on a souvent tendance... Il y a des animaux qui sont pneumatisés pour autant. Les oiseaux sont pneumatisés. Voilà, il y a les oiseaux, mais les oiseaux sont tellement vraiment évolué. Et sont d'anciens dinosaures. Ce sont des dinosaures. C'est pour ça qu'on comprend la pneumatisation du squelette des dinosaures. Quand on parle de pneumatisation des dinosaures, c'est pas une vue de l'esprit. Il y a des marques sur les os, donc on sait de quoi on parle. Mais après, voilà, la pneumatisation n'est pas aussi avancée que chez les oiseaux. Donc, il faudrait avoir un truc entre un modèle avien, un modèle mammifère, et puis mettre un coefficient spécial dinosaure. Enfin, je pense que le plus drôle, on peut prendre l'exemple, pas du tout du T-Rex, mais pour le brachiosaure, je crois que les écarts vont de 17 tonnes à 70 tonnes. Brachiosaure qui est l'un des gigantesques dinosaures végétariens. Quand vous êtes entre 17 et 70 tonnes, je pense que scientifiquement, on peut se dire, attention, soyons un peu oui, modestes quand on donne des poids. Donc, je sais pas, mais moi, j'aime pas tellement donner le poids de Non, mais c'était précisément cette partie-là qui est intéressante, parce que, comme vient de le dire Jean Leleuf, comme vous venez de le dire, effectivement, on arrive très vite dans de la supposition ou dans des projections à partir d'indices qui sont des indices très restreints. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas dire, il y a une autre controverse très vive sur le fait de savoir est-ce que ces grosses bêtes que sont les tyrannosaures Rex était ou non en mesure de courir vu précisément leur structure osseuse, musculaire. C'est une autre grande controverse, Jean Leleuf, qui n'est pas tranchée. Non, qui n'est pas tranchée, mais comment trancher ? Alors, d'une part, il y a une chose, c'est que dans le squelette du T-Rex, on a un fémur qui est relativement long par rapport au tibia, notamment, ce qui n'est pas une caractéristique d'animal coureur. Ou si on regarde un squelette d'autruche, on a un fémur qui est très très court, un tibia qui est très très long, et ça donne une vitesse de déplacement évidente. Ça, c'est une chose. Après, ce qui permettrait de connaître la vitesse atteinte par un T-Rex avec certitude, sans faire de modèles qui, comme le disait Ronan, bon, à un moment, finissent par quand même ne plus être du tout crédibles à force d'être... Oui, à force d'accumuler des suppositions, bien sûr. Des résultats qui varient du simple au quintuple. La seule chance, c'est de découvrir un site avec des traces de pas de tyrannosaures en train de courir. Parce que quand on trouve un site, c'est rarissime, mais un site d'empreintes de pas avec un animal qui court, c'est extrêmement simple de calculer sa vitesse, par contre. Mais donc, tant qu'on n'a pas... Ça n'arrivera peut-être jamais, ça arrivera peut-être un jour, mais tant qu'on n'a pas découvert le site paléontologique avec les traces d'un dinosaure, un tyrannosaure qui court, on restera modeste pour répondre à cette question. Une autre question, on va les aborder au fur et à mesure qu'elles se présentent, puisqu'il y en a un certain nombre. Une autre question et une autre controverse est celle de savoir si il y avait ou non sur les tyrannosaures, ainsi que sur un certain nombre d'autres dinosaures, il y en a pour certains pour lesquels on a des preuves, d'autres non, des plumes ou des protoplumes, puisque ce ne sont pas évidemment les mêmes que les oiseaux modernes, mais on sait que, comme les oiseaux viennent effectivement des dinosaures, que certains dinosaures avaient déjà ce qu'on appelle aujourd'hui des protoplumes. On en a d'ailleurs fait une émission, on a consacré une émission à cette question. Que peut-on dire ? Est-ce qu'il est possible d'inférer quelque chose pour le tyrannosaure ? Ou est-ce que là encore, on n'a pas suffisamment d'indices matériels pour pouvoir faire une supposition ? Renaud Alain. Alors, effectivement, ces 10 dernières années, on a vu fleurir chez les paléoartistes, donc tous ces gens qui essayent de reconstruire des dinosaures, on a vu apparaître des espèces de gros dindons de 7 tonnes et de 12 mètres de long. C'était très étonnant, c'était une vision un peu... Enfin, ça rendait le tyrannosaure, déjà avec ses petits bras, il est un peu ridicule, mais ça le rendait peu crédible. Et si on a vu ça apparaître, c'est pas non plus parti de nulle part. Les gens sont pas décidés à mettre des plumes comme ça du jour au lendemain. C'est juste parce que on a trouvé des nouveaux squelettes qui datent de à peu près 126 millions d'années, qui viennent de Chine, de ces fameux premiers tyrannosauroïdes. Enfin, pas les premiers, mais voilà, des tyrannosauroïdes qui portent des plumes. Donc ça, c'est des animaux à plumes, c'est certain. On a des plumes complètes, des protoplumes, même déjà des plumes qui sont avec un rachis médian, des barbules. On arrive déjà à avoir des plumes un petit peu plus complexes. Et sur ces animaux, on a des caractéristiques de T-Rex. Alors on va avoir des dents qui sont très asymétriques. On va avoir quelques caractéristiques anatomiques très précises qui font qu'on les met dans les tyrannosaures. Combien de temps, je ne sais pas. Pour l'instant, disons que ce sont des tyrannosaures. Donc à partir de là, on s'est dit, tiens, les premiers tyrannosauroïdes ont des plumes. Donc il est normal que le tyrannosaure, descendant de ces animaux-là, ou du temps dans la lignée de ces animaux-là, va présenter des plumes. Donc on a vu fleurir ces plumes. Et c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression que c'est arrivé comme ça et que les gens n'ont pas regardé ce qui avait été découvert assez tôt, en fait, dans le registre fossile. Et en fait, très tôt, on avait déjà signalé la présence de restes d'empreintes de peau de tyrannosaures. Donc c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans la formation de Hell Creek, justement, puisqu'on a ces espèces de d'adrosaures, les dinosaures à bec de canard momifiés, où on a les empreintes de peau qui sont connues, qui datent aussi de la même époque que les premières découvertes de tyrannosaures. Et on avait quelques empreintes de peau de T-Rex, et sur ces empreintes de peau, on en a qui viennent du cou, on en a qui viennent du flanc de l'animal, il y en a qui viennent de la queue, et à chaque fois, on a des écailles de reptiles tout à fait classiques de ce qu'on connaît chez les autres, a priori, de ce qu'on infère chez les autres reptiles. Donc, a priori, le Tyrannosaurus rex, maintenant, on est revenu à non, il n'avait pas de plumes. Alors, il n'y avait pas de plumes, mais ses ancêtres avaient des plumes. Donc, il faut quand même aller, on va essayer de boucler la boucle. Alors, il y a des gens maintenant qui sont plus malins, qui font un animal plein d'écailles, mais vous allez voir, de temps en temps, il y a une espèce de perruque. Il y a des petites perruques blondes de temps en temps, un petit peu Donald Trump, c'est assez étonnant. vous trouvez des petites plumes sur les avant-bras ou des espèces de petits poils. Alors là, on peut essayer de faire une analogie, si vous voulez, avec les gros mammifères actuels, le rhinocéros ou l'éléphant, qui sont des animaux qui sont tellement gros qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir ces poils pour se protéger. Ce sont des plumes qui ont pour but essentiellement de la régulation de chaleur corporelle. Voilà, c'est vraiment un outil pour la thermorégulation. Oui. Le T-Rex est tellement grand, puisqu'on a dit que une des caractéristiques du T-Rex, c'est sa grosse taille, et bien probablement que le T-Rex au cours de l'évolution, le plume était inutile et les plumes ont dû se faire de plus en plus rares. Donc peut-être qu'il avait trois petits protoplumes qui traînaient dessus, mais la majeure partie de l'animal, si on doit le représenter, je pense qu'il faut plutôt le faire à écailles. Ce qui n'est pas le cas de la couverture de votre livre, Jean Leleuf, sur ce T-Rex superstar. Regardez ses petits bras à l'avant, il y a plein de plumes. J'ai pour principe de ne jamais contrarier les paléo-artistes, sinon c'est très compliqué. D'accord. Donc vous confirmez ou vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Ronan Alain, c'est-à-dire que les plumes, il n'en resterait que des qualités de traces. A priori, il n'y en a pas chez Tyrannosaurus. Une autre question sur le rôle de ces fameux petits bras atrophiés, là aussi des suppositions, que faut-il en penser? Est-ce qu'ils étaient utiles? Est-ce qu'ils servaient à l'équilibre? Est-ce qu'ils servaient encore à quelque chose, à attraper? On a des fossiles avec deux doigts, des fossiles avec trois, je crois, Jean Leleuf. La question sur le petit bras du T-Rex, c'est est-ce qu'il ne servait à rien, oui. Ou est-ce qu'il servait à quelque chose? Donc, il y a ceux qui pensent qu'il ne servait à rien, ce qui clôt la discussion. Il ne servait à rien, ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Que peut-être il sortait à peine du corps, etc. Ça, c'est assez improbable. Et en regardant de près les os qui la composent, qui composent ses bras, on voit qu'il y a quand même des traces de muscles assez importantes, que c'était des petits bras, à peu près de la taille des nôtres, mais des petits bras musclés, quoi. Après, que faire de ces deux petits appendices qui sont situés, en fait, en gros, sous la gueule, sous le corps de l'animal, mais il ne peut pas atteindre sa bouche avec ses bras? On ne sait pas trop. Certains supputent que peut-être il s'en servait pour lorsqu'il se couchait, parce que faut bien imaginer que de temps en temps, même T-Rex se coucher peut-être, faire un somme, allez savoir. Et pour se relever, ça pouvait lui servir comme un sprinter au démarrage pour équilibrer son relevage. C'est une des hypothèses, mais bon, on va dire que... Ça n'est pas celle à laquelle vous souscrivez. C'est pas ça, c'est que je n'en sais rien. Quoi. Bien sûr. C'est que parfois peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être Ronan, as-tu une meilleure explication? Non, je pense qu'on est c'est marrant parce que dans un livre un petit peu jubilé sur le tyrannosaure où on faisait un petit peu l'état des connaissances, dans le même livre il y a trois personnes qui se posent cette question et il y a les trois réponses. Donc il y a des gens qui rappellent aussi les théories historiques. Je crois que c'est Osborne qui crochet copulatoire. Voilà, crochet copulatoire. Voilà, il attrapait Madame. Bon, pourquoi pas. Après on avait donc cette histoire de remonter après le repos. donc c'est basé sur une modélisation mathématique extraordinaire et complètement up-to-date à cette époque-là. Mais dans le même bouquin, vous avez un autre modèle qui est pris, et ce modèle vous montre que c'est pas possible et qu'on arrive à quelque chose qui ne servait à rien. Donc je pense que c'est un cas typique de monde qui s'atrophie petit à petit, qui ne devait pas avoir une très grande utilité, mais comme le dit Jean, il y a encore, d'après les modèles, d'après ce qu'on voit, ne serait-ce que l'insertion musculaire, il y a encore du muscle, donc s'il y a encore du muscle, c'est qu'il y a encore une utilité, laquelle difficile à tester tant qu'on n'aura pas retrouvé un tyrannosaure en train de faire des pompes. Puisqu'on parlait ou autre chose, puisqu'on parlait de crochet copulatoire, à ce propos, est-ce qu'on a établi, est-ce qu'aujourd'hui un dimorphisme clair entre les spécimens mâles et les spécimens femelles que l'on a pu retrouver, puisque vous avez exposé un spécimen femelle, Renan Alain, quel est... Alors là aussi, c'est très compliqué, parce qu'on essaye d'inférer sur des modèles basés sur l'actuel. C'est vrai pour le tyrannosaure, c'est vrai en général pour les théropodes. Chez beaucoup d'espèces de théropodes, on a souvent un dimorphisme qui est porté par le fémur. Des fémurs qui peuvent être plus arqués et des fémurs qui sont plus robustes que d'autres, pour des longueurs d'animaux à peu près équivalentes. Donc on a deux morphologies à l'intérieur d'une même espèce, donc du dimorphisme. Et ce dimorphisme, actuellement, est interprété par pas mal de paléontologues comme du dimorphisme sexuel. Quand on regarde... Une forme gracile et une forme robuste, voilà, hein, pour résumer. Une forme gracile, voilà. Une forme robuste. L'un serait le mâle, l'autre serait la femelle. Le gracile serait le mâle et le robuste serait la femelle. Alors le gracile, par gracile, il faut aussi entendre un petit peu plus long, mm-hmm. un peu plus grand, mais la femelle plus robuste et avec un fémur plus large. Et quand on regarde l'histologie de ces fémurs, il y a quelques différences en termes d'histologie au niveau de ce qu'on appelle donc le tissu médulaire, qui n'est pas le même. Et on pense qu'il y aurait peut-être une réutilisation de ce tissu par les femelles pour la ponte des œufs. Donc tout ça est basé sur ce qu'on peut observer chez quelques reptiles actuels. C'est très inféré, mais le dimorphisme existe. En tout cas, il est là. On ne peut pas attester que ce dimorphisme soit sexuel, c'est ce que vous êtes en train de me dire. On ne peut pas en être sûr à 100%. C'est-à-dire que là, quand vous présentez Trix, on suppose, parce que ce dimorphisme existe, que c'est une femelle. Que c'est une femelle. Mais peut-être que la nature en aurait décidé autrement. Il faudra trouver une femelle avec des œufs en position. C'est possible, ça existe chez les dinosaures. Un mot, puisqu'on est dans ce domaine-là, est-ce que sur les sites, est-ce que la fréquence des fossiles que l'on a retrouvés peuvent nous donner des indices sur quelque chose d'encore plus lointain, mais sur la question des comportements sociaux de ces animaux, ou est-ce que là on est vraiment totalement dans de la projection, Jean Leloff, qu'on peut en dire? Il y a deux types d'éléments qui peuvent être apportés par la paléontologie pour répondre à une question comme ça. C'est d'une part si on trouve des accumulations de squelettes d'animaux de la même espèce dans un même site, ça laisse supposer qu'il y a un comportement, sinon grégaire, du moins social. Ce n'est pas le cas chez le tyrannosaure. On trouve généralement des squelettes isolés. Par contre, la deuxième façon de répondre à la question, c'est la paléoïchnologie, donc l'étude des empreintes fossiles. Et là, on a un site en Colombie-Britannique où il y a une demi-douzaine d'empreintes de pas de tyrannosauridés. C'est pas Tyrannosaurus, mais c'est un de ses gros cousins. Qui sont préservés et qui semblent constituer trois pistes d'animaux évoluant parallèlement dans la même direction. Donc une hypothèse, c'est ce qui permet de faire l'hypothèse que peut-être certains tyrannosauridés avaient un semblant de vie familiale ou sociale, puisque sur ce site, a priori, on voit trois animaux qui se déplacent ensemble, à condition évidemment que ce soit pas le même qui ait fait trois tours et qui soit repassé trois fois. C'est vrai qu'on a l'image, en tout cas certainement, du fait de cette communication autour de Tyrannosaurus rex, de grands prédateurs solitaires, alors que là aussi c'est une image qui est totalement construite, Renan Alain. C'est une image construite. C'est vrai que c'est très étonnant. D'habitude, la plupart des prédateurs, on a toujours un ou deux gisements où il y a quand même beaucoup de squelettes qui sont retrouvés en même temps. Là, ça manque un peu pour le tyrannosaure. Je crois qu'il y a eu une découverte assez récente où il y a peut-être deux squelettes et demi, mais c'était tellement épars que là aussi, on n'est pas sûr que c'est pas des animaux qui sont arrivés séparément. Après, on aurait peut-être intérêt à trouver, peut-être qu'on va trouver des accumulations qui sont liées à des comportements sociaux liés à l'âge. Parce qu'on sait que le petit tyrannosaure qui sort de sa coquille, il n'est pas tout seul dans son nid, ils étaient plusieurs. Ceux qui arrivent à échapper aux prédateurs dans les premiers instants de leur vie, on sait que chez la plupart des reptiles, on a des tentatives de regroupement des jeunes individus. On le voit très bien chez les oiseaux encore à l'heure actuelle, même avec les autruches. Vous avez des troupeaux de juvéniles avec un matriarcat qui est là pour suivre le troupeau. On a encore aucune preuve de ça chez les dinosaures. Il semblerait qu'en tout cas, quand les dinosaures sont adultes, comme c'est le cas de la plupart des tyrannosaures qu'on a trouvés, il semblerait qu'effectivement, ils vivent seuls. Il y a une découverte qui a été relayée toute fin mars, un fossile dont on ne sait pas trop s'il faut considérer que c'est une nouvelle espèce ou si c'est un T-Rex juvénile. Que faut-il en penser? On lui a même trouvé un nom, ce serait Nanotyrannus, c'est ça? Nanotyrannus, c'est un nom valide qui a été inventé il y a une trentaine d'années par quelques paléontologues nord-américains pour un squelette de dinosaure carnivore venant de la même formation que T-Rex, mais qui fait quoi 4-5 mètres de long à peu près. Et depuis, il y a eu une controverse. Au lieu de 12-13. Au lieu de 12-13 pour le T-Rex. Et depuis, il y a eu une longue controverse entre spécialistes de T-Rex, de tyrannosaures, disons, pour déterminer si oui ou non, Nanotyrannus est en fait un juvénile de Tyrannosaurus. Alors on a des caractères qui sont clairement différents, mais on sait que c'est des caractères qui peuvent être modifiés au moment de la croissance. C'est-à-dire qu'un juvénile ne va pas forcément avoir exactement les mêmes caractères que l'adulte. Donc pour l'instant, le débat n'est pas définitivement tranché. Dans l'attente de formes de tailles intermédiaires, de davantage de squelettes. Nanotyrannus est-il un jeune T-Rex? Peut-être. Renaud Alain, votre... Alors on présente le crâne de Nanotyrannus dans l'exposition, justement, en posant cette question-là aussi. Je suis à peu près de l'avis de Jean. Moi, je pense plutôt pour un T-Rex juvénile à l'heure actuelle, puisqu'on a pu montrer sur certaines études avec des séries de croissance qu'effectivement, on avait des animaux qui pouvaient changer complètement de visage, entre guillemets, de forme de crâne. Et c'est vrai qu'il y a quelques différences entre le Nanotyrannus et le Tyrannosaurus, mais les deux sont quand même très très proches l'un de l'autre. Alors, on discutait un petit peu, la réponse à cette question elle est assez facile, il suffit de prendre un os, de le couper et de regarder histologiquement si l'animal est un juvénile ou si c'est un adulte. Malheureusement, comme on n'a qu'un spécimen de Nanotyrannus et que c'est un crâne, on ne va pas le couper le crâne en deux pour répondre à cette question. Donc, il y aurait peut-être moyen avec des méthodes modernes, les CT scans en particulier, d'aller voir l'intérieur de l'os pour répondre définitivement à cette question. Et allez, une dernière question pour conclure, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même effectivement beaucoup de doutes, comme toujours, en l'absence d'un grand nombre de preuves, il est toujours compliqué d'inférer des choses de façon certaine. Il y a une chose en tout cas qui a l'air d'être confirmée par le nombre de fossiles qu'on trouve, c'est l'agressivité. On trouve, comme chez Trix, des traces de morsures, l'agressivité, même intraspécifique, Jean-Lelef, non ? Oui, bon, en tout cas, ils avaient une vie compliquée, les tyrannosaures. Il y a beaucoup de fractures ressoudées sur les squelettes, des traces de morsures intraspécifiques, effectivement. Donc, ils se faisaient des bisous, mais un peu brutalement, quand même, apparemment, ouais. Puisque ça faisait comme des trous dans l'os. Donc, c'était des bisous très, très musclés, oui. C'est vrai. Mais bon, ils avaient des dents pointues aussi. il faut mettre ça en balance. Un mot juste sur cette violence de l'espèce, une espèce condamnée à être violente, elle a été pensée comme étant violente, il fallait trouver quelqu'un de violent et de facto on a bien trouvé une espèce très violente. Ouais. Ils ont trouvé aussi des herbivores qui savaient se défendre, je pense en passe, hein, parce que quand vous avez un triceratops ou un troupeau d'edmontosaures, il vaut mieux pas rater son coup quand on s'attaque à eux, parce qu'un coup de corne ou même la masse simplement de ces animaux-là, les petites fractures qu'on a sur le côté du flanc, c'est peut-être pas que intraspécifique. Merci beaucoup à tous les deux, merci Renan, Alain, merci Jean-Lelef. Je rappelle que si vous voulez aller voir justement les traces de dents dans le crâne de Trix, un T-Rex à Paris, c'est au Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est jusqu'au 2 septembre et ça commence après-demain mercredi. Et puis vous pouvez toujours aller plus loin grâce au livre de Jean-Lelef, T-Rex Superstar, l'irrésistible ascension du roi des dinosaures, c'est chez Belin. Sans oublier bien sûr d'aller dans les salles obscures pour voir le prochain opus de la saga Jurassic World, Fallen Kingdom. c'est de Juan Antonio Bayona et ça sort mercredi dans les salles de cinéma. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Noémie Naguette, Saint-Ville-France, Céline Lozen, Eve Etienne, Sarah Higemans, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, c'est la nouvelle série documentaire de la semaine, Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent autour de la masculinité, des questions qui lui sont liées par Juliette Boutillier et Vincent Deck. Tout à l'heure, du grain à moudre à 18h20, faut-il garder toutes les aides sociales, demandera Hervé Gardette à ses invités. Pour ce qui nous concerne, demain, nous reviendrons sur le tout dernier papier publié par Stephen Hawking, l'occasion de faire le point sur le crédit à accorder aux différentes théories physiques concernant les univers multiples. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.